Moi la batterie, j'aimerais la voir pas triste. Mon tour d'ambiance arrive, donc me voilà parti. C'est bon les frères, j'ai chargé les batteries. Faudra la force pour gagner la partie. De la patience pour comprendre la vie. Peut-être la chance de vivre de notre artiste. On fait nos plans en comité. OAC, c'est l'unité. Des textes barges illimités. Encore des thèmes à visiter. Héritier du rap, oh non, je le prétends pas. Je veux juste faire mon empreinte ailleurs que poste de police, mon gars. Entre les tours, avant mon tour d'ambiance, des heures, j'y ai pensé. J'ai pris 6 mois de sursis, 50 mises à l'épreuve. Et toujours pas blasé. Entre comprendre et puis admettre, il y a un pas infranchissable. J'suis pas teubé, j'ai une vie stable et familiale. J'suis curieux de notre monde, je comprends pas les gens d'ici. Je suis peut-être d'un autre monde, alors je chante pour faire comprendre mes signes. Galère danse avec ambiance, regarde sur la frange, je l'aime. Et comme l'amour du coup, elle me donne aussi de la souffrance. Mon tour d'ambiance accueillie entre toutes les tours de mes gars. Pour la musique, ouvrons toutes les frontières, stop le dégât, on débat. Oh, assez aussi chez nous, on a tellement de cas. Ouvrons nos cœurs, parlons de nous et on enfume la pièce, mon gars. Mon tour d'ambiance est léger comme une plume. Mon tour d'ambiance va peser lourd à la une. Mais pour le moment je compose sur la lune. Je bosse pour mes rêves, c'est déjà pas mal. J'ai le mal de la terre, message banal. On vient rapper c'est tout, puisque dans le son c'est le souk. Je ne suis qu'un fou parmi les fous. S'il y a des ratures, c'est que j'ai caressé le doute. Un pic en guise de lame, y'a que comme ça que je me sens armé. Non je gratte pas sous l'emprise de cam. Il faudra que je rende des comptes après. Les petits mettent des douilles aux anciens, y'a plus aucun respect. La petite Aurélie est enceinte, perd son temps à rechercher le père. On a vu défiler le temps, et puis je deviens réac. Y'a tellement à vouloir être à part, je crois que je suis devenu un paria. Mais je trace ma route et je vois pas les journées défiler. Demain c'est loin en espérant que ce sera un meilleur jour qu'hier. Je me pose le soir dans ma sphère pour réfléchir un peu. Comment un homme seul peut faire en sorte de soulever un peuple. J'évite le vice et je tape des barques avec les meilleurs. J'ai une femme et un fils et depuis ça je me fais des frayeurs. Sur leur bulletin de vote j'irai graver tous les places de nos gosses. L'avenir est à eux mais y'a des travaux sur les ruines de nos fautes. Mon tour d'ambiance accueilli entre toutes les tours de mes gars. Pour la musique ouvrons toutes les frontières. Stop le dégât, on débat. Oh assez aussi chez nous on a tellement de cas. Ouvrons nos cœurs, parlons de nous et on enfume la pièce, mon gars. Mon tour d'ambiance est léger comme une plume. Mon tour d'ambiance va peser lourd à la une. Mais pour le moment je compose sur la lune. Je bosse pour mes rêves, c'est déjà pas mal. J'ai le mal de la terre, message banal. Laisse-moi leur dire que la chance n'est pas une partie de cartes. J'ai coupé la ronce de cette fleur qui perdait ses pétales. Nos idées s'emballent quand le destin frise la folie. Je n'ai pas eu à croire d'avoir l'espoir d'avenir insolite. Trop fragile et solide, une jeunesse trop torride. Les embrouilles, les angoisses et cette poisse historique. Pas facile pour les tiens et pour les miens qui dévient le droit chemin. J'ai pas trouvé le bien dans les deux mains que m'a offert ma mère. Le temps fera l'affaire, on cherche nos points de repère. On marche pas à pas en glorifiant les gens qui nous rendent fiers. Difficile, le temps passe très vite, on cherche puis on s'évite. La solitude a un renfou hystérique. J'kick depuis tout jeune pour évacuer mon amertume. On est tous des sales gosses qui ont troqué leur bouée contre une enclume. J'ai qu'une idée en tête avant que la ville m'arrête. Mettre les miens à l'aise, partir en paix histoire que mon cœur s'allège. Mon tour d'ambiance accueilli entre toutes les tours de mes gars. Pour la musique ouvrons toutes les frontières. Stop le dégât, on débat. Oh assez aussi chez nous, on a tellement de cas. Ouvrons nos cœurs, parlons de nous et on enfume la pièce, mon gars. Mon tour d'ambiance est léger comme une plume. Mon tour d'ambiance va peser lourd à la une. Mais pour le moment je compose sur la lune. Je bosse pour mes rêves, c'est déjà pas mal. J'ai le mal de la terre, message banal.